du café se glisse sous la porte et remporte léger cette vapeur échappée. Descend les escaliers, l'odeur en vaille, mais narine, elle m'avoisine. Elle me fait craquer, emportée dans les abysses d'origine impénétrable, giflée par le sable, vers le silence du glisse. J'aimerais lui avouer le fond de mes pensées, Marine. Elle m'a souri, Marine, elle est pleine de vie. J'aimerais lui avouer le fond de mes pensées, Marine. Elle m'a souri, Marine, elle est pleine de vie. Ces sourires suffisent, ai-je rêvé où tu me regardes, où est-ce que tu me regardes? Faudrait que tu me dises que je suis pour toi un illustre inconnu qui ne détourne sa vue seulement quelquefois. J'aimerais t'emmener dans les pays sans frontières, ô étrange chimère, mais tu ne me connais pas, je ne te connais pas. J'aimerais lui avouer le fond de mes pensées, Marine. Elle m'a souri, Marine, elle est pleine de vie. J'aimerais lui avouer le fond de mes pensées, Marine. Elle m'a souri, Marine, elle est pleine de vie. Et je ne te connais pas, pourtant l'amour se confirme, ce n'est plus un signe qui fera le premier pas. Et ce silence de mort qui plane entre nous, maintenant je suis sourd, plus capable de faire l'effort. Et ce triste carnaval tourne dans la rue. J'aimerais lui avouer le fond de mes pensées, Marine. Elle m'a souri, Marine, elle est pleine de vie. J'aimerais lui avouer le fond de mes pensées, Marine. Elle m'a souri, Marine, elle est pleine de vie.